sommes jeunes et paysans. Nous sommes innovants et paysans. Nous sommes dignes et très beaux, les paysans. On aspire à une vie paisible. On ne demande pas l'impossible. Mais les géants aux ombres invisibles nous tiennent en joue. On est la cible, tout ce qu'on veut, c'est vivre de nos mains. Nos bêtes au grand air sur des terres à visage humain. On regarde jamais en arrière, car c'est devant qu'est la lumière. Ensemble, c'est sûr, on pourra faire, sauf si on nous mène à la misère. C'est pourtant nous. Je vais rappeler ce qui s'est passé à propos donc de l'assassinat de Jérôme Laronze, éleveur de vaches en Saône-et-Loire. Donc ça s'est passé le 20 mai dernier, donc suite à un contrôle des mêmes services là, de la DSV. Un éleveur de vaches donc, a été assassiné par les gendarmes parce que les gendarmes accompagnaient les services vétérinaires. Et depuis, donc, il y a un comité de soutien qui s'est créé autour de la famille qui se réunit tous les 20 du mois. Il y a un rassemblement à Mâcon. A priori, Jérôme Laronze, c'est quelqu'un qui d'après ce qu'il a dit, ce qu'on en sait en tout cas, qui avait des opinions assez proches des nôtres sur l'administration de l'agriculture. Je vais juste rappeler ce qui s'est passé. En fait, la situation pour lui s'est dégradée sur plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'il est harcelé par les services vétérinaires par rapport à son troupeau de vaches et essentiellement par rapport à des histoires de papier, de traçabilité. Les vaches ont des cartes par vache. Et donc c'est essentiellement par rapport à ces histoires de papier de traçabilité qu'il était embêté. Ça a commencé en 2010 où il a eu un contrôle donc de la DDPP, anciennement DSV, sur donc le bouclage des vaches et ce qu'on appelle les notifications de mouvement, c'est-à-dire dès qu'on vend une vache, dès qu'un veau naît, dès qu'un veau est tué, il faut le notifier à l'administration. Donc tout ça, il y avait des choses qui n'étaient pas en règle. Ça s'est un petit peu calmé, il a été tranquille pendant quelques années, puis ils sont revenus en 2015. Et là, ils l'ont attaqué en procès. L'administration a attaqué Jérôme Laronze en procès pour opposition au contrôle et maltraitance animale. Alors en fait, il faut traduire ce que ça veut dire, ça. Opposition à contrôle, c'est-à-dire que là, comme ici, on est censé claver les bêtes, là, les fermer, pour que les contrôleurs puissent les regarder une par une. Voilà, et lui, il n'a pas fait ça, les vaches étaient dans le pré, donc le contrôleur ne pouvait pas regarder les vaches une par une, surtout une vache, c'est quand même pas comme une brebis, c'est pas aussi docile. Et donc ça, c'est considéré comme une opposition à contrôle. Et maltraitance animale, en fait, lié au fait qui, sans doute, il tenait pas son registre sanitaire. C'est pas une maltraitance réelle des animaux. D'après la famille, les voisins, c'était un très bon éleveur. C'est juste qu'il faisait pas les papiers comme il faut, il remplissait pas comme il faut les papiers quand il les soignait, en gros. Et donc ça, c'est considéré comme de la maltraitance animale. Et donc il a eu un procès où il est même pas allé lui-même, où il était même pas a priori défendu. Voilà. Bon, ensuite, il y a eu en 2016 un contrôle inopiné, toujours de la DSV, mais et ce coup-ci avec la présence de nombreux gendarmes. C'est à ce contrôle-là que ça tourne mal pour les animaux, parce que les gendarmes arrivent, les bêtes s'affolent, elles traversent un ruisseau, et il y en a cinq qui se noient dans le ruisseau, sans doute écrasés par les autres dans l'affolement. Donc là, l'administration se retire, calme le jeu, et revient un peu plus tard, le 22 juin. Donc, et là, du coup, Jérôme est accompagné de ses sœurs et de quelques personnes de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire. Il y a encore les gendarmes, mais bon, la situation se calme un peu. Les gendarmes, il est négocié que les gendarmes restent à l'écart. Et puis finalement, comme le contrôle se passe pas trop mal, ils finissent par partir avant la fin du contrôle. Voilà. Donc ça, c'était en juin 2016. Mais ils remettent ça l'année d'après, de cette année, en 2017, le 11 mai. Ils reviennent toujours avec des gendarmes. Et là, Jérôme Laronze, à ce moment-là, il est sur son tracteur. Et donc, il reste sur son tracteur et il essaye de les effaroucher avec son tracteur. Et puis finalement, il part. Donc les gendarmes considèrent qu'ils ont essayé de les écraser. Ou il a essayé de les écraser. Ou bon. Et lui, il part et il part en cavale pendant 9 jours. Bon, il reste dans le coin, évidemment. Et en cavale, il revient 3 fois à la ferme. Donc s'ils avaient vraiment voulu l'attraper, ils auraient pu à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'en restant sur sa ferme, en surveillant la ferme. Donc pendant 9 jours, il est autour dans la campagne. Et au 9e jour, quelqu'un le voit et appelle, le dénonce, appelle la gendarmerie. Et ils arrivent, ça se passe donc le long d'un chemin. Il y a 6 balles qui sont tirées, il y en a 3 qui l'atteignent, 2 dans le dos, 1 sur le côté. Et donc il meurt sur le coup. Le préfet, les gendarmes, le premier jour invoquent la légitime défense, mais du coup ça tient pas parce que 2 balles dans le dos, 1 sur le côté, ça marche pas. Et du coup voilà, et alors, la famille depuis a fait ce comité de soutien. Et ils essayent donc de quoi, il y a un procès en vue normalement sur cette histoire-là. Voilà. Est-ce qu'il était armé quand ils ont... Et alors, ils ont trouvé une arme de la Seconde Guerre mondiale sous le fauteuil, mais une fois que, en ouvrant la voiture, voilà, il s'en est passé. Et donc... Il avait été prévenu. Non, c'était inopiné, ça aussi. Nous allons maintenant écouter une version qui apporte quelques détails supplémentaires concernant la mort de Jérôme Laronze. Il s'agit de Yannick Ogor, auteur du Paysan Impossible. Et c'est tout l'histoire, bah, peut-être on peut en parler, parce que je suis un peu sur ce terrain-là, de ce collectif qu'on essaye de monter, du coup, à l'échelle nationale. Mais bon, c'est très bien que ça va être surtout des collectifs locaux dont on va avoir besoin, mais de contre, justement, qu'on a appelé comme collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes, qui est à la fois la suite des analyses que moi-même et puis Xavier Nouliane dans un autre livre qui est paru à peu près dans la même période, qui s'appelle le ménage des champs, chronique d'un éleveur au XXIe siècle, qui porte à peu près le même, qui fait le même décortiquage de l'histoire de l'administration agricole en France et de comment elle a participé à l'industrialisation de l'agriculture. Et du coup, à partir de cette lecture-là, et surtout d'un événement qui pour nous a été absolument tragique et décisif, c'est l'assassinat par les gendarmes de l'État le 20 mai 2017 d'un agriculteur de Jérôme Laronze, donc qui était éleveur de vaches allaitantes pour la viande en Saône-et-Loire, en bio, et qui, tout seul dans son coin, malheureusement tout seul dans son coin, avait fait manifestement le même cheminement politique critique que nous quant à l'État français, le rôle de l'administration et le rôle des normes, de la traçabilité, Il le disait crûment qu'il avait bien compris que la traçabilité ne servait qu'à enrichir les industriels et absolument pas ni à protéger le consommateur, ni à protéger le petit paysan. Donc il était tellement persuadé de ça qu'il s'était mis en tête de refuser, de respecter scrupuleusement toutes ces injonctions normatives, de mettre systématiquement les étiquettes aux oreilles des brebis, de remplir à chaque fois qu'il y a un animal qui naît, un animal qui part de la ferme, un autre qui rentre, de remplir des papiers en temps et en heure. Donc il traînait la patte, en fait, ça n'a pas plu du tout à l'administration, donc il se retrouvait épinglé comme mouton noir par l'administration, au point de subir des contrôles tous les ans, à répétition, jusqu'à en 2016 notamment, un contrôle qui s'est passé pour la première fois en présence des gendarmes et qui a dégénéré au point que le troupeau a paniqué et s'est retrouvé dans un ruisseau, enfin une rivière assez importante, et cinq vaches sont mortes. Donc la rage de Jérôme Laronce n'a fait que se décupler et forcément qu'il était encore plus réfractaire à l'idée de se mettre en conformité. L'administration l'a pas lâché jusque ce 10 mai 2017 où à nouveau une contrôleuse des services vétérinaires s'est déplacée avec des gendarmes. Cette fois-ci avec l'intention de repérer l'ensemble des animaux dans l'idée d'enlever les animaux. Puisque Jérôme Laronce a découvert ce jour-là qu'il y avait eu une décision du tribunal comme quoi il maltraitait les animaux, puisque depuis, sous la pression des lobbies véganes, aujourd'hui, ne pas mettre des étiquettes aux oreilles des animaux, c'est considéré comme de la maltraitance. Ça rentre dans un procédure... Y compris par le mouvement végan, il considère ça. Le mouvement végan, je ne sais pas, mais en tout cas, cette pression sociétale qu'il y a aujourd'hui fait que l'État l'utilise pour continuer son travail de sape et considérer qu'il y a maltraitance. Maltraitance, c'est tribunal correctionnel, tribunal pénal, et c'est amende et enlèvement du troupeau. Donc c'était la situation qui était proposée à Jérôme Laronce. Forcément qu'il n'a pas bien reçu la nouvelle ce 10 mai 2017. Manifestement, il est quand même resté très calme. Mais l'administration aujourd'hui a tellement peur que par son intervention, elle provoque des suicides des paysans, parce que c'est quand même pas rien de se faire enlever son troupeau, qu'en fait, elle-même en fait, lance en même temps une procédure de gestion de risque suicide. Et du coup, là, pour le coup, en fait, c'est l'administration qui a appelé l'hôpital, les urgences psychiatriques pour lancer une procédure d'internement de force de Jérôme Laronce, parce que la colère paysanne aujourd'hui est une déviance mentale et un problème psychologique. Tout ça pour dire que pour nous, cet événement-là a été un élément absolument déterminant pour dire il faut qu'on sorte de cet isolement, enfin de cette manière dont on a tous à subir l'administration tout seul dans notre coin. Et c'était d'autant plus important pour nous d'essayer de construire une aventure collective de solidarité et de combat, en fait, que Jérôme venait d'être tué de fait de cet isolement, alors même qu'il était porte-parole de la Confédération paysanne quelques temps avant cet événement tragique. Et que quand on creuse en fait l'histoire, on se rend compte que petit à petit, il s'est fait lâcher par ce syndicat. Parce que la critique qu'il portait du système de traçabilité, de normalisation industrielle, au nom de la santé, au nom de considération d'hygiène, au nom de considération environnementale, en fait la Confédération paysanne était incapable de l'entendre, puisque elle-même, dans son discours, porte l'idée que les normes protègent la petite paysannerie et protègent les consommateurs contre l'agriculture productiviste. Du coup, son discours n'a pas été entendu, au point où il s'est retrouvé tout seul à faire face à l'administration, et au point où, pendant sa cavale, et pour nous ça a été une claque terrible, pendant les 10 jours où il a tenté d'échapper à l'internement d'office, quelques militants de la Confédération paysanne de Soleil Noir se sont autorisés à intervenir dans les médias pour dire que finalement l'histoire de Jérôme Laronce n'était pas une histoire de politique, en fait, c'était pas un problème professionnel, c'était un problème de santé mentale. Et c'est terrifiant de constater une dérive syndicaliste où des militants se font le jeu de l'État en légitimant la menace d'internement et en réduisant le problème à un problème de santé, là où il y avait, où Jérôme était en train de mener un combat politique, quoi. Mais il n'avait pas été compris. Et du coup, voilà, le collectif contre les normes, c'est prendre la suite du combat que Jérôme a entamé et essayer de se regrouper dans les campagnes. Alors c'est pas simple, on est d'une part de moins en moins paysans en France. On n'est pas nombreux à porter, à faire cette lecture du rôle de l'État, du rôle des normes. Trois mois après le drame, leur détermination ne faiblit pas. France 3 Bourgogne-Franche-Comté, août 2017. Pour cette troisième veillée, les membres du collectif de soutien à Jérôme Laronze souhaitent créer une association avec un objectif prioritaire, avoir accès à la procédure en cours qui doit déterminer s'il y a eu ou non bavure de la part des gendarmes. Quelles ont été les conditions du décès brutal de Jérôme Laronze? Ça, il faut qu'on y voit clair. Et on n'a pas d'informations du tout. On sait que ça a été très violent, qu'il y a eu mort d'homme avec une intervention de la gendarmerie, mais c'est quelque chose qui est très fort. On ne tue pas comme ça les gens en France sans qu'il y ait de très bonnes raisons. Peut-être y a-t-il eu de très bonnes raisons, mais on ne le sait pas. Le 20 mai dernier, c'est sur ce chemin que Jérôme Laronze était abattu par les gendarmes alors qu'il tentait de leur foncer dessus avec son véhicule. Il était recherché depuis 9 jours à la suite d'un contrôle sanitaire où il avait déjà essayé d'en découdre avec les forces de l'ordre. L'agriculteur de 37 ans était en difficulté dans son exploitation. Il peinait à satisfaire les normes sanitaires et subissait depuis 3 ans des contrôles à répétition. Pour la Confédération paysanne, les méthodes de l'administration doivent changer pour éviter que ce drame ne se reproduise. Les contrôles sont énormément pénibles à vivre pour des agriculteurs qui sont déjà affaiblis. Et c'est la situation de Jérôme, quelqu'un d'affaibli et quelqu'un sur qui il y a eu probablement acharnement. L'affaire interpelle bien au-delà de la Bourgogne. Le collectif a déjà reçu une centaine de demandes d'adhésion venues de différentes régions. L'instruction, elle, est toujours en cours. Le 30 août prochain, les membres de la famille de Jérôme Laronze rencontreront les magistrats à Châlons pour connaître les avancées de l'enquête. Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, un paysan de 37 ans, a été abattu par les gendarmes à Seilly en Saône-et-Loire, à l'issue d'une cavale de 9 jours, suite à un contrôle vétérinaire qui aurait mal tourné. L'affaire n'a pourtant pas défrayé la chronique, pas un mot dans la presse nationale, ni sur les grandes chaînes de télé. Pourtant, la mort de ce paysan engagé et révolté est loin d'être anecdotique. Elle révèle la manière dont se passent les contrôles dans les fermes, souvent vécues la boule au ventre, comme une humiliation et la perte de sens qu'éprouvent les paysans face à l'absurdité d'un système agricole qui leur impose d'énormes pensées pour l'agro-industrie, comme si en plus de vouloir pucer et contrôler les animaux, comme autant de valeurs économiques à gérer, on voulait faire de bons petits soldats des femmes et hommes qui font de cette passion leur métier, comme si nous étions promis à n'être plus que des numéros. Ce sont des extraits du livre « Le ménage des champs » de Xavier Nouliane. Page 89. Revenons à planter. À l'époque où, 6 mois après notre arrivée, nous pûmes apporter nos premiers fromages sur les marchés. Notre vie était encore secouée par les tourbillons du parcours d'installation. Mais, sur les marchés, nous réalisions que ce que viennent chercher les clients, en plus des fromages, c'est l'image d'une agriculture réconciliée avec le monde, dans lequel ils vivent si mal. Il leur importe que nous respections le bien-être des animaux, que nous vivions dans une harmonie sereine avec la nature, que nous développions des méthodes alternatives, alors que nous vivions au cœur d'un maelstrom bureaucratique qui fait que notre quotidien est aux antipodes de l'image du retour à la nature qui nous est apposée. Bien loin de l'image du retour à la simplicité de la vie à la campagne, aux vraies valeurs du contact avec la terre ou des images émouvantes de la vie d'antan. Bref, j'ai l'impression de me retrouver à nouveau devant le chef de service environnement de Rhône Poulenc, avec sa vision hallucinée de la campagne. Pour nous, le choc fut d'une violence inouïe, car, pendant ces premières années, les plus dures, nous nous interdisions littéralement de parler de la réalité de notre quotidien. Nous intériorisions le grand écart que nous devions faire chaque semaine entre l'image d'une bio alternative à une vie artificialisée et la réalité bureaucratique de la certification qui en est le développement le plus profond. Laetitia Montulet vit à une vingtaine de kilomètres de chez moi en centre-Bretagne, à Millionnac. Donc là, pour entrer dans la laiturie, il faut rincer ses chaussures. Ouais. Elle a 46 ans et elle s'est lancée dans l'agriculture biologique après des études de sociologie. Elle a un petit abattoir à la ferme, elle vend en direct. Elle semble donc indépendante des intermédiaires industriels, comme les abattoirs et la grande distribution. Mais les nombreuses normes édictées par l'administration menacent sans cesse sa petite autonomie. On fonctionne à deux, donc en couple, sur la ferme. On fait un abattage hebdomadaire. La dernière norme en vigueur c'est l'obligation d'acheter un outil informatique qui permettrait à l'administration de contrôler la manière dont elle tue ses poulets. Il y a des règles donc au niveau de l'électronarcose. C'est une petite machine et donc on règle après l'intensité électrique pour endormir chaque animal avant de le saigner. Voilà. Donc en fait, on considère qu'il n'est plus dans ses sensations physiques, qu'il est plus qu'endormi, qu'il ne se rend pas compte de la mort, quoi. Alors avant, en fait, on avait un appareil qui était beaucoup plus simple, mais les normes ont changé. Maintenant, en théorie, il faudrait pouvoir enregistrer au début de l'étourdissement jusqu'à la fin de l'étourdissement la puissance qui est envoyée en fait sur l'animal pour qu'il s'endorme. Donc ça, cet appareil-là n'a pas ça. C'est un appareil qui coûte 2 500 €. Donc sur une structure comme la nôtre, pour rentabiliser ça, faut tuer un certain nombre de poulets. Donc nous, on a fait le choix de ne pas l'acheter. Ça va enregistrer sur une petite clé USB. Et la clé USB, le jour où on a un contrôle, ils vont pouvoir mettre ça dans l'ordinateur et contrôler, en fait, avec cette petite clé USB, que chaque volaille a bien été étourdie selon les bonnes intensités. Avant d'être tué. Donc, mais cette petite machine, ce petit bijou, coûte cher. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas l'acheter. Mais alors, ça veut dire que là, vous êtes hors la loi de ne pas avoir cette machine ? Alors, le prochain contrôle, c'est possible qu'on ait ça sur notre notification de contrôle, qu'on ait mis en demeure de respecter les cahiers des charges et donc de corriger, quoi. De céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet. Mon poulet numéro 728 120. Je t'aime, je pense à toi. Vous dénoncez l'objectif réel de ces normes, qui est de trier ceux qui vont être capables de rester en regardant les collègues qui s'en vont, qui se foutent en l'air ou qui se font contrôler et qui sont sur la paille. Et en gros, à un moment, soit on accepte dans ceux qui passe au travers des gouttes, et ça veut dire qu'on accepte de s'asseoir sur tous ceux, sur tous les gens autour qui vont rester sur le carreau. Et ça, ils peuvent pas nous demander ça. Et on peut pas accepter ça. Page 126. Lorsqu'il regarde son propre troupeau, l'éleveur n'y voit plus sa marque, mais la patte du fonctionnaire anonyme. Il suffit, pour s'en convaincre, d'imaginer ce que devenue la liberté d'un éleveur laitier qui livre du lait dans une zone AOC où il n'a pas le choix de la race de ses vaches. Vaches pour lesquelles la ration alimentaire est définie dans un cahier des charges dont il ne doit pas s'écarter. Ration avec laquelle il doit produire annuellement une quantité de lait définie par un quota qu'il ne doit pas dépasser. Si c'est lui qui fabrique le fromage, il devra le faire dans le cadre des normes d'hygiène industrielle tout en respectant le protocole de fabrication du fromage défini par l'AOC. Enfin, s'il a encore le courage d'être en bio, tout son travail devra également respecter un autre cadre, celui du cahier des charges européen de l'agriculture biologique.